Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Parle plus bas, mais parle encore de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs